Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. On part du Festival d'été de Québec. Émilie Gauthier est en fin de retour avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et une nouvelle chronique, Vidons-la dans la question. Assemblage Requis. Moi, c'est bien de pouvoir commencer l'émission avec une très bonne nouvelle. Les oiseaux sont encore en vie malgré la chaleur. Et oui, étonnamment, parce qu'il fait vraiment chaud. J'ai entendu en m'en venant 41 avec facteur index. Ah, ouch! Mais par contre, s'il y a de mauvaises nouvelles à un moment donné et que les oiseaux meurent à cause de la chaleur, il va y avoir un point positif. On va avoir un repas. C'est épouvantable, Mathieu. Ouais. On a une émission très chargée aujourd'hui, comme d'habitude, pour faire changement. Comme toujours, on le précise, hein, chaque émission est une émission spéciale pour Assemblage Requis. Absolument. C'est pas parce qu'on n'a pas de pizza cette semaine que c'est pas spécial. Ouais, on espère juste que ça va être meilleur que la semaine prochaine. Que la semaine passée. La semaine passée, ouais, oui, c'est ça. C'est sûrement meilleur que la semaine prochaine aussi. On va essayer, du moins. Donc, gros plan, comme tu le disais, aujourd'hui, on va avoir évidemment une chronique CNX, Google Gadget. Donc, on va parler de gadgets qui soient inutiles ou utiles. Et moi, j'ai même une réponse à CNX à t'offrir tout à l'heure. Arrête-moi ça! Et oui, étonnamment, j'ai eu un peu de contact avec le monde extérieur cette semaine. OK. Et j'ai une réponse avec CNX. Et ça n'a pas rapport avec Facebook? Non, ça n'a même pas rapport avec Facebook. On va avoir une nouvelle capsule de Vidons la question sur l'année 1966. Donc, on va retourner dans le passé, flashback dans la voûte. Ouh! Moi, j'ai mon plat favori, comme d'habitude. Et j'ai aussi les sorties spectacles. Il y a le Festival d'été de Québec cette semaine. Ça commence justement ce soir jusqu'au 18. Alors, il y a vraiment beaucoup de spectacles à vous mentionner. Tout ça plus une chronique, c'est un fait avec des faits inutiles. Et ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Mais on commence l'émission d'aujourd'hui avec la musique de The XX. Absolument. De leur dernier album, on va aller écouter la pièce Crystallized. Puis on va allumer le poêle pour les petits oiseaux plus tard. On les aime, nos oiseaux. Hein? Vous écoutez Assemblage Requis. On aime donc les oiseaux et les requins. Oui, on aime beaucoup les requins. C'est les gens qui écoutent Assemblage Requis. Hein. C'est profond. Vous êtes assez fous, 89.1 FM. No. think of the strength. Assemblage requis. Thank you. Crystal Castles et la pièce Celestica, c'est le numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou cette semaine et vous êtes à Assemblage Requis. Avec Mathieu et Stéphanie. C'est mon groupe préféré, ça. Ah, sarcasme ici. Notez-le, c'est comme ça qu'elle a l'air quand elle fait du sarcasme, Stéphanie Gagné. Maintenant, j'ai eu la chance de parler avec notre amie Émilie Gauthier. Tu te rappelles, Émilie Gauthier? Oui, bien sûr. Avec ses chroniques plein air, veux-tu sortir avec moi? Et cette semaine, elle nous parle d'imperméables. Bonjour. Allô Mathieu, ça va bien? Tu passes un bel été? Oui, toi? Oui, ça va bien. J'en profite pour faire beaucoup de plein air. Il fait beau, il fait chaud. C'est le temps. Ouais, puis justement, tu nous apportes un paquet de sujets très, très estivaux, hein, cet été. On pourrait dire ça, je pense. Je pense que oui. J'ai essayé de cerner des sujets un peu dans la même gang que de sujets que j'avais commencé à parler au moment de quitter à la fin de la session. Fait que je suis restée avec des sujets, je pense, qui pourraient vous intéresser à ce temps-ci de l'année. Et quand on parle d'été au Québec et pas mal partout, on pense aussi à la pluie. Donc aujourd'hui, tu nous conseilles un petit peu sur les imperméables. Oui, c'est ça. Un imperméable, c'est comme ça a l'air un peu niaiseux comme achat, mais il y a plusieurs sortes d'imperméables. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein? C'est encore ma philosophie, définir ce que l'on a besoin. Puis en même temps, je vais en profiter pour faire une petite chronique rapide sur les accessoires de voyage, à quoi on pense pas tout le temps avant de partir. Bon, donc, par quoi est-ce qu'on commence, Émilie? Qu'est-ce qu'on cherche dans un imperméable? C'est se protéger du vent, de la pluie. Ça a toujours été deux conditions quand même difficiles à apprivoiser. C'est ce qu'on aime le moins. Un gros vent puis une belle pluie, là, c'est pas toujours le fun. Avant, il y a beaucoup de monde qui sont réticents parce que c'était comme un gros sac poubelle. On avait chaud là-dedans, ça collait, puis c'était pas le fun. Maintenant, la technologie est venue à bout de trouver un compromis. Il y a vraiment beaucoup de vêtements maintenant qui sont disponibles pour qui sont imperméables à l'eau, mais perméables à l'humidité. Donc, on a un petit peu moins chaud dans notre sac poubelle. Pour imperméabiliser un tissu, beaucoup de fabricants vont choisir... Il y a deux techniques. La première, c'est appliquer un enduit imperméabilisant sur la partie extérieure du tissu. Sinon, il y a moyen de laminer la membrane à l'intérieur avec... La plus connue, c'est du Gore-Tex. Sinon, il y a beaucoup de fabricants qui font leur marque maison aussi. Mais si on pense membrane microporeuse, c'est du Gore-Tex. S'il n'y a aucun déperlant qui est utilisé, la respirabilité du vêtement va pouvoir en souffrir. C'est là qu'on va commencer à sentir le sac poubelle peut-être tout trempé. Pour limiter la condensation, il y a plusieurs techniques aussi qui ont été développées, comme l'installation des vents sous les aisselles. Il y a aussi ça dans les manteaux d'hiver de plus en plus. Sinon, on imperméabilise les gouttières le long des fermetures éclair, puis aussi il y a le scellage des coutures qui fait une grosse différence. Quand on va dans un bon type de manteau imperméable, il y a les deux ou trois couches. Dans le fond, c'est les deux couches, c'est une membrane de nylon à l'extérieur puis une membrane impair respirante à l'intérieur. J'ai entendu dire qu'il faisait aussi des couches de jeans à cette heure. Hein? Non, Huggies, là, ma couche est pleine, non. Avoue qu'il y a cute, pareil, l'annonce, là. C'est une belle annonce, oui. Donc, la deux couches, la membrane va être recouverte d'un enduit pour la protéger. Ces vêtements deux couches sont plus pratiques pour une utilisation générale, mais le fait que ce soit un enduit, ça va nuire un peu à la respirabilité du vêtement. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. Donc, il y a une certaine rétention d'humidité qui va aussi limiter la respirabilité du tissu. Par contre, les vêtements qui sont fabriqués avec cette méthode sont plus souples et plus confortables que les vêtements trois couches. Les vêtements trois couches, eux autres vont comprendre le tissu extérieur qui contient aussi un anti-abrasif, une membrane impair respirante laminée à l'intérieur, puis il y a comme un petit tricot, si on veut, à l'intérieur qui va protéger la membrane. Parce que si cette membrane-là a été gratinée ou quoi que ce soit, ben l'eau va rentrer, puis c'est pas ce qu'on souhaite le plus. Les trois couches collées ensemble, ils en font une, c'est juste que ça fait un vêtement qui est un peu plus rigide, mais qui va respirer beaucoup mieux, qui va être encore plus imperméable. Dans certains cas, il va avoir comme... Sur des manteaux deux couches, il va avoir des patchs trois couches, si on veut, pour augmenter la durabilité du vêtement sans pour autant sacrifier la souplesse et la légèreté du vêtement. Donc, il va être plus résistant. Souvent sur les coudes, les épaules, le bas du dos, où est-ce que les sacs vont à côté souvent, ou les coudes, c'est ce qui est plus dangereux de déchirer dans un imperméable. On peut séparer les imperméables en deux familles. Il y a les hard shell et les soft shell. Donc, les coquilles souples et les coquilles dures. Oui. Qu'est-ce qui va être les coquilles rigides, si on veut? C'est comme une couche extérieure qui vise à protéger les couches intérieures des intempéries. C'est souvent ce que... Quand on pense à un imperméable en nylon, c'est souvent ça qu'on pense. Il y a la membrane. Le tissu résiste très bien à l'eau et au vent, mais... C'est ça. Hein? On en trouve, ça peut partir à 50 $, mais qui vont être un peu plus... sac poubelle, si on veut, qui vont moins bien respirer, mais ça peut monter jusqu'à environ 150 $. Ça, c'est bas de gamme, si on veut. Quand que les membranes, comme quand on va chercher les deux ou trois couches qui sont un peu plus haut de gamme, ces coquilles rigides-là vont être plus durables, plus performantes. Quelqu'un qui fait plus de plein air, qui court, qui bouge, ça va être plus pratique parce qu'il va mieux évacuer son humidité. Mais le coût est vraiment pas le même non plus parce que c'est un manteau qui peut aller de 300 à 650 $ facilement. Pour les vêtements type soft shell, c'est comme plus une coquille souple. C'est doté d'un certain pouvoir isolant. C'est plus grande respirabilité, sauf que c'est 100% coupe-vent, mais c'est résistant à l'eau. C'est-à-dire que s'il n'est pas traité ou quoi que ce soit, l'eau va perler dessus, mais ça va finir par rentrer. Donc, c'est pas un manteau à mettre quand il mouille déjà dehors. Là. C'est un petit manteau qu'on porte, il mouille, c'est pas la fin du monde, on a le temps de se trouver un abri, puis on est au sec quand même. Mais c'est vraiment pour le côté coupe-vent qu'on va les rechercher. Pour l'entretien, à la longue, la poussière et la sueur peuvent boucher les pores des membranes, ce qui va nuire à la respirabilité. Donc, il faut les laver quand même fréquemment, mais avec les bons produits. Il y a des savons détergents spécialisés qui vont respecter les propriétés spéciales des manteaux. Laver à la machine, idéalement à chargement frontal, parce que ça va moins tirer de toutes les bords. Ou encore là, à la main. Mais il y a vraiment des consignes sur chaque manteau de comment bien le traiter. Une fois que le vêtement est lavé avec les bons savons, il y a un autre type de savon qui va réimperméabiliser le tissu. Donc, on leur fait un autre petit brassé, puis il faut le mettre un peu dans la sécheuse. C'est ce qui va réactiver, dans le fond, le silicone qu'il y a un peu dans ces produits-là, qui va justement permettre au manteau d'être plus imperméable. Si le déperlant perd de son efficacité quand il est contaminé, il peut aussi se détériorer aussi par un usage normal. Il y a des petites fissures qui vont finir par laisser rentrer l'eau. Donc, vraiment, le réimperméabiliser une fois de temps en temps, c'est vraiment pas mauvais pour le faire durer plus longtemps. Mais c'est quand même un investissement important. De façon générale, on essaye de les laver quand on voit qu'il y a des odeurs qui... Quand ça pue. Quand on voit, tu sais, on était dehors puis il y a de la bouette ou quelque chose, c'est quand même important. Il faut les traiter aux petits oignons. Bon. Les laver, les sécher au plus haut degré qui est indiqué, mais pas aller vraiment plus loin que les instructions sur l'étiquette, comme n'importe quoi. Toujours bien les rincer, puis on essaye des étendre pour que ça sèche plus rapidement. Mais on essaye pas près d'un feu ou sous un soleil intense, parce que ça peut faire comme fondre des microparticules ou quoi que ce soit. Merci, Émilie. On prend une petite pause musicale et on revient avec la suite de cette chronique qui veut te sortir avec moi. On va parler d'accessoires de voyage. Vous êtes à Assemblage Requis. Come back. wish I could hold on a little longer. Still my weary stomach and calm my hunger. I wish I could believe what they taught me. I saw an old photograph, and the picture that appeared, well, it took me back to the time when she was around. She used to play that old mandolin in the moon and the sea and by. She'd only wish that time would come back. A new day awaits me. I could be gone today. A new C'est toujours à Assemblage Requis. On est en plein milieu de la chronique Plein Air veut sortir avec moi en compagnie d'Émilie Gauthier. Et maintenant, c'est le moment de parler d'accessoires de voyage. Oui, donc on va comme finir la chronique d'aujourd'hui avec une micro-chronique rapide de Rapido Presto, nouvelle définition. C'est une toute chronique accessoires de voyage. Partir d'enfant en voyage, il faut prévoir à l'avance. Il y a vraiment des petites séries d'accessoires auxquelles on ne pense pas nécessairement si on n'a pas déjà voyagé ou c'est un type de voyage qu'on n'a pas déjà fait. Donc, on prend l'avion tôt le matin, on ne peut pas se permettre de passer tout droit premièrement. À l'hôtel, des fois, le wake-up call, il n'est pas certain, quoi que ce soit. Donc, avoir un petit réveil matin, c'est pas mauvais. Il y en a qui sont tout petits, légers, compacts, prennent pas de place. Oui, c'est sûr, il y en a sur les cellulaires, mais c'est pas tout le monde qui a un cellulaire premièrement. Puis, partir en voyage, t'en vas en Asie, Mathieu, là. Je suis pas sûre que tu vas l'amener ton cellulaire, fais juste le faire rouler, ça va te coûter cher. Fait puis si ton cellulaire n'a plus de batterie, qu'est-ce que tu fais? T'as de l'air très zoin-zoin, là. Moi, je te dirais que c'est mon cas sûrement un jour sur trois que j'ai plus de batterie dans mon sel, fait que bon point. Donc, il y en a qui se tournent autour de... Je pense que les plus chers que j'ai vus, c'est 15$, là. Donc, puis il y en a qui ont un petit bloc-notes à l'intérieur. Il y en a qui sont très compacts puis très complets en même temps. Donc, un petit réveil matin, c'est pas mauvais. Il y a aussi d'avoir un petit sac ventral qui est pas mauvais pour pouvoir garder son passeport, garder ses papiers à portée de main sans pour autant avoir peur de se faire voler. Donc, une petite pochette, un petit sac qu'on peut garder vraiment proche de soi, qu'il n'y a aucun danger qu'on se fasse voler, c'est un bon point. Avoir aussi un petit oreiller qui est portable, tu sais, en forme d'os pour chien ou je sais pas trop, en U ou en demi-beigne, comme vous voulez. Il y en a qui sont gonflables, il y en a qui sont comme en petite mousse compressible. Ça se transporte bien, ça prend pas trop de place. Il faut juste le mettre autour de notre cou pour pouvoir, tu sais, en avion, en autobus, quoi que ce soit. Toujours pratique. Un petit oreiller portable. Il y a environ 25 millions de bagages qui sont perdus par année. Pas très agréable. Je ne vous souhaite pas de faire partie de ces 25 millions. Pour éviter justement d'avoir de l'air un petit peu perdu quand on perd notre voyage, notre valise, il y a toujours une petite idée, apporter une petite trousse de toilette qu'on met dans notre bagage à main, qu'on apporte dans l'avion, une petite brosse à dents, une petite débarbouillette, quelque chose juste pour pas être mal pris si... Je ne vous souhaite pas qu'elle soit perdue, mais admettons juste qu'elle soit en retard ou quoi que ce soit. Vous avez quand même une paire de bonnes, une paire de bobettes, une brosse à dents puis une débarbouillette pour vous débrouiller pendant la journée. C'est toujours une bonne idée. Sinon, un cadenas, juste pour... Tu sais, on arrête un petit dépanneur, quelque chose, on a notre grosse valise, on n'a pas nécessairement le goût de la traîner. Donc, on attache les deux zips de la valise, on l'attache après un poteau, ça se fait très bien. Puis, dans un dépanneur, on magasine pas 6 heures de temps non plus. Là, donc, un petit cadenas juste à l'aéroport par sécurité aussi. Vous n'êtes pas tout le temps là quand les valises arrivent sur le tapis roulant. Donc, juste par sécurité, attachez votre valise. Merci, Milly, pour la chronique qui avait de sortir avec moi. On se retrouve très bientôt ici à Assemblage Requis, toi. Écoutez Assemblage Requis. Oui, vous êtes à l'émission estivale en pièces détachées en compagnie de Stéphanie Gagné et de Mazé Plante. Oui, et maintenant, on va vous parler des spectacles qui s'en viennent. J'ai parlé au début de l'émission du Festival d'été de Québec. Alors, je vais vous dire tout d'un coup sur les spectacles du Festival d'été de Québec. Puis après ça, je vais vous mentionner les autres spectacles en dehors de Québec. Alors, ce soir, il y a Bedouin Soundclash qui va être au festival. Demain, Great Lake Swimmers. Le 11, Passion Pit et Yann Perrault. Hey, Passion Pit, je veux en faire jouer ça. C'est bon, du Passion Pit. C'est bon, du Passion Pit. Le 12, Arcade Fire, Monogranade. Le 14, Cat Empire, Elisapi, Isaac et Born Ruffians. Le 17, il y a Vulgar Machin qui vont faire la première partie de Billy Talent. Et cette même soirée, il y a aussi Radio Radio et Random Recipe. Et le 18, il va y avoir Carquois. Alors, le Festival d'été de Québec a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons artistes cette année. L'année passée, j'étais allée 4 soirées, je crois. Mais si je pouvais, là, cet été, je pense que j'irais à tous les soirs. C'est l'enfer. Tous les spectacles que je vais mentionner, c'est juste ceux que moi, je voudrais voir. Mm. Que je trouve qu'ils valent la peine. Fait qu'imaginez le reste. Ouais, c'est ça. En dehors du Festival d'été de Québec, il y a le 8 et le 9 Wolf Parade qui ont sorti leur troisième album il n'y a pas très longtemps, qui vont être au National. Le 10, il y a le Vans Warped Tour, comme à tous les années, avec Every Time I Die, All American Rejects, The New Cities de Trois-Rivières, The Casualties, etc. Et le 12, Passion Pit encore une fois, mais cette fois-ci au National. Alors voilà, c'est tout pour les sorties spectacles. C'est beaucoup de choses. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Alors, vous pouvez pas dire qu'il n'y a rien à faire cette semaine parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons groupes à aller voir. Les gens cherchent des excuses pour pas sortir. Exactement. Il fait chaud, là. Mm. Faut sortir, faut pas rester enfermé, surtout si t'as pas l'air climatisé. C'est ça, les salles de spectacle sont souvent climatisées, donc au moins ça vous donne une bonne raison d'y aller. Ah hein? Ça, puis aller faire l'épicerie, puis passer toute la journée au centre d'achat. puis aller voir Twilight après, en tout cas. J'allais voir ça tantôt. Hey, ouf. On en reparlera tantôt. Ou pas. Ok, ou pas. On va aller écouter, on va faire un petit bloc musical avec trois groupes qui vont être au Festival d'été de Québec, mais on va commencer avec Bedouin Soundclash. Quelle pièce on écoute, Mathieu? Voici Stay Close to Me at 12:59. Sur Steve. Assemblage Rookie! We'll be right back. écoutez Assemblage requis. Arcade Fire, c'est comme bizarre, tu sais, parce que un feu dans une arcade, ça me rendrait super triste, mais eux autres, ils me rendent heureuse. Absolument. Hein? On vient d'entendre la pièce Rebellion Lies d'Arcade Fire. Avant, c'était Échapper au sort de Carquois. Et avant, on a entendu Bedouin Soundclash, trois groupes qui vont être au Festival d'été de Québec cette semaine. On commence ça ce soir avec Bedouin Soundclash. Vous êtes à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. Maintenant, mais c'est le moment de se détacher particulièrement de l'émission et pas tout absorber parce que c'est peut-être beaucoup et c'est peut-être pas tout vrai. Voici, c'est un fait. C'est encore une fois le clou que je plante d'informations dans votre tête. Hein? On se rappelle. Donc, c'est la chronique, c'est un fait. Donc, des faits véridiques, véritables, vérifiables pour certains d'entre eux. Hein? Commençons avec un homme qui s'appelle James Milne Wilson, qui est né une journée bissextile le 29 février et qui est mort aussi une journée bissextile. Hein? Donc, Wilson était le premier ministre de la Tasmanie. Et il a eu cette position jusqu'au jour de sa mort, le 29 février 1880, oui. Donc, même s'il avait 68 ans de vie, dans le fond, il avait comme 17 ans, si tu comptes juste ses jours d'anniversaire véridique. Hein? C'est un peu niaiseux de même. Donc, vous connaissez ce que c'est une année bissextile. La dernière était en 2008 et la prochaine sera en 2012. Voilà. Savais-tu, Stéphanie, que te raser, ça ne fait pas que tes poils vont pousser plus épais? Non, je savais pas. Des fois, on pense que quand tu te rases, ça va de plus en plus épais. T'sais. Non. En fait, l'épaisseur des poils dépend de ta génétique et de tes hormones. Hein? Donc, se raser fait aucune différence selon omg-facts.com. On dit que, par contre, ça fait pas... Dans le fond, j'essaie d'expliquer un peu. Ça fait pas pousser plus vite non plus et ça rend pas vos poils plus épais. Ce qui se passe, dans le fond, c'est que les poils poussent d'une façon que l'extrémité du poil est plus mince. Donc, ça a l'air plus mince, mais dans le fond, quand tu rases, t'as l'arrière qui est plus épais. Comprends-tu? Oui, je comprends. Ouais, ça va faire. Peut-être que tu te disais que l'éclair ne peut pas frapper à deux endroits en même temps, deux fois au même endroit. Tu disais peut-être ça, non? Non, je me suis jamais posé la question. Ouais. La misère avec mes phrases en anglais aujourd'hui. Bref, il n'y a aucune raison que l'éclair ne peut pas frapper deux fois au même endroit. Il y a une photo sur ce que j'ai posté en lien sur assemblagerequis.com où on montre l'Empire State Building qui se fait frapper 100 fois par année en moyenne. Ouais. Et apparemment que ça arrive aussi qu'il y ait deux éclairs qui frappent deux points un à côté de l'autre. Donc voilà, il y a une photo aussi sur assemblagerequis.com. Cheveux et tes ongles ne continuent pas de pousser après ta mort. On dit que c'est une illusion. Hein? Lorsqu'on meurt, notre peau meurt aussi et notre peau... Caroline, j'ai vraiment de la misère avec mon anglais aujourd'hui. Je pense que c'est pas ma voix pour l'anglais, pour traduire. Nos ongles restent aussi à la même longueur, mais ils ont l'air de pousser parce que la peau autour des ongles continue de rapetisser. Donc la peau autour rapetisse, ce qui fait que ton ongle a l'air plus long. D'où le mythe. Voilà. En 2006, le film History of Violence était le dernier film à être sorti sur vidéocassette, donc sur VHS. Même le film Be Kind Rewind, qui était un film qui parlait d'un club vidéo qui refusait de passer du format VHS au format DVD, n'était pas disponible sur VHS. Quand même assez spécial. Mm-hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans l'espace, si deux morceaux de métal se touchent dans l'espace, ils vont se fusionner ensemble de façon permanente. Oui, l'oxygène sur Terre empêche ça, hein? Mais à l'extérieur de tous les métaux, il y a une couche de métal oxydisé, si on veut, je ne sais pas trop en français qu'est-ce que c'est, qui empêche les métaux de coller ensemble. Dans l'espace, il n'y a pas de couche d'oxydation, donc quand des morceaux de métal entrent en contact dans l'espace, ils collent ensemble, ça devient un seul morceau continu de métal. Voilà. Savais-tu que tu peux utiliser tes écouteurs comme microphone dans ton ordinateur? Non. C'est vrai? Ouais. Ben, tu branches ta paire d'écouteurs dans une prise micro, et puis soudainement, tu parles dedans, et puis ça va enregistrer. Ben, t'sais, évidemment, il faut que tu settes Windows pour que ça enregistre ton son, mais quand même, ça fonctionne comme micro. Le propriétaire de Victoria's Secret est un homme. Tu connais Victoria's Secret, ça? Mm-hmm. Oui. Peut-être, c'est une fille quand même. Roy Raymond a créé le magasin en 1977. Il a démarré la chaîne avec 80 000 $ d'argent emprunté. Ça lui a fait 500 000 $ lors de la première année. Il a été trouvé mort, par contre, à San Francisco par la garde de côtière. Oui, il s'était tué. Quelques faits rapides maintenant. Frank Hayes est le seul jockey, tu sais, jockey les chevaux, là. Mm-hmm. Le seul jockey mort à avoir gagné une course. Tu te demandes comment ça se fait? Oui, je me demande. En 1923, il a eu une attaque cardiaque en plein milieu d'une course, mais son corps est resté droit. Et il a réussi à se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il était mort en plein milieu de la course. Oh! Ouais, ouais, ouais. Tu connais les chiens, Dachshund, Dachshund, peu importe comment on connaît ça, c'est les petits chiens saucisses là, avec les pattes très très courtes. Ok, oui, bon. Oui, je sais quoi. Ouais. Donc, ils ont été, je sais pas comment ils ont fait faire des plages de chiens pour que ça donne ça, mais bref, ils sont arrangés pour avoir des chiens avec des pattes courtes pour qu'ils puissent passer à travers des tunnels de blaireaux. Des petites pattes courtes dans un petit tunnel de petits blaireaux. Pour quelle utilité? Ah ben ça, les faits, ils le disent pas. Évidemment. Ouais. Tu connais Sara Lee? Non. C'est les gâteaux? La nourriture, Sara Lee? Non? Non, ça me dit rien. Bref, ils ont aussi inventé le Wonder Bra, la brassière Wonder Bra en 1994. Je vois tellement pas le lien entre les petits gâteaux et la brassière. Je sais pas moi non plus. Le nom Emmy pour les Emmy Awards, ça vient du terme Emmy, qui est dans le fond un terme qui décrit des tubes qu'on trouvait dans des caméras. Au début, à la télé. Les caméras de télé. Selon le National Hot Dog and Sausage Council, le Conseil national des hot dogs et des saucisses, les Américains mangent 150 millions de hot dogs le 4 juillet. Qui vient juste de passer. Hein? C'est beaucoup. Pas chaque. J'espère. Tu connais le PAM? Le pch-pch-pch. Pour la poêle. Là. PAM, ça veut dire Product of Arthur Meyerhoff. Qui l'aurait cru? Pas moi. C'est ça. Un couple suédois a eu des problèmes avec les autorités après avoir nommé leur enfant BRFXXCCXXMNPCCCC. Et là, ça continue pendant un très, très long bout. Nom qu'on prononce, en fait, Albin. Ouais. Selon la loi suédoise, les noms doivent être approuvés par les autorités hein, avant de pouvoir être utilisés. Donc, les parents ont nommé leur enfant pour faire, si on veut, une petite protestation contre cette loi-là. Le nom a été rejeté par les autorités en 1996. Un autre nom suédois qui a été rejeté, c'était une fille qui s'appelait Metallica Tomaro. Metallica Tomaro. En 2007. Par contre, le nom Metallica et le nom Google ont déjà été acceptés comme deuxième nom. C'est le middle name. Chez certaines personnes en Suède. En 1998, plus d'employés de fast-food ont été tués que des officiers de police. Ben oui. Deux derniers faits. Les oursons, les teddy bears, c'est des petits oursons en peluche et d'autres jouets tuent plus de gens que les vrais ours. Depuis les 89 dernières années, 82 Américains ont été tués par des vrais ours. On compare ça à 22 morts causées par des jouets comme le teddy bear, à chaque année. Donc 22 à chaque année pour les toutous. 89 ans, 82 Américains tués par des vrais ours. Mais comment tu te fais tuer par un teddy bear? Exactement. Les enfants sont à risque quand ils ont des petits oursons parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, les yeux de ton ours qui se détachent et puis tu l'avales et puis, je sais pas, ça te fait étouffer. Ouais, mais 22 personnes qui font ça par année. Ouais, mais il y a d'autres 22 affaires. 22 enfants. Un enfant peut s'enfarger sur un ourson puis tomber en bas des marches. Tu crapes à la tête. Hein? Ouais. Et c'est la faute de l'ourson. Ben, par association, si on veut. Aussi, il y a déjà un ourson en plus qui a tué 2500 poissons. Mm-hmm. Un ourson en plus est tombé dans une piscine et puis a bloqué un tuyau. Et puis donc, une piscine où il y avait des poissons dedans. Hein? Et puis, tous les poissons sont morts, ils ont suffoqué. C'est triste. Alors, en tout cas. Et dernier fait, savais-tu que Michael Jackson a 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame? Comment? Hein? Une pour lui-même et une pour le Jackson 5. Et d'autres musiciens aussi qui ont 2 étoiles sur le Walk of Fame. Diana Ross pour sa carrière solo et pour les Supremes. Et Smokey Robinson pour son travail solo et pour les Miracles. John, George et Ringo ont chacun 2 étoiles pour leur solo et pour les Beatles. Paul s'est vu offrir 2e étoile pour son travail solo. Par contre, il n'a pas encore fait les... il y avait les différentes étapes où tu te présentes en personne quelque chose genre pour recevoir le prix avant que l'étoile puisse être mise sur le Walk of Fame. Gene Autry, qui est le Singing Cowboy, et là, j'ai aucune idée de demander moi-même pas ce que c'est, a 5 étoiles sur le Walk of Fame. J'avoue mon ignorance là-dessus. Mais question comme ça, Ringo, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de très intéressant en solo? Encore une fois, je montre mon ignorance et ça, je l'ai fait à tous les jours de ma vie. Donc, j'irai pas plus loin, je sais pas. C'est Ringo, là. Ouais. John et Paul, je peux comprendre. C'est peut-être lui qui a donné le nom aux Onion Ring. Ring, Ring, Onion Ringo. Je montre ma stupidité aussi. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Avec des choses véridiques, véritables, vérifiables. Des fois, pas super bien traduites. Mais c'est comme ça. C'est pas grave, on fait avec. Yeah. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Moi aussi, je fais avec toi. Je sais. Chacun son tour. Là. Demandons de la musique à la place. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On tourne la roulette russe. C'est ce qu'on fait une fois de temps en temps. On aime ça. Tomber au hasard sur Surfer Blood avec l'album Astro Coast. Oui, absolument. Et quelle pièce? La première. Floating Vibes. J'en crois pas mes oreilles. C'est rare hein, que je choisis la première chanson de l'album. Ouais. T'es une originale. C'est ce qu'on peut, on peut dire ça. C'est un fait. Vous êtes à Assemblage Requis, assez fou, 89.1. Vous êtes à Assemblage Requis avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre Floating Vibes de Surfer Blood. Oh oui. Et c'est la fin de la première heure. Oh oui. Il nous en reste deux assez chargés. Oh oui. Est-ce que tu peux dire autre chose, Mathieu? Il va y avoir dans la deuxième heure une chronique de vidéo dans la question. On va aussi avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir ton plat favori? Oui, il va avoir mon plat favori. Il va avoir ta chronique CNX. Oui. C'est ça qui est ça. Et d'autres affaires peut-être dans la troisième heure. On verra. Ouais. Ouais. On va essayer d'éparpiller ça un peu, ça. Vous pouvez vous éparpiller vous aussi, hein? Vous pouvez vous étendre. pendant la pause. Au soleil. Ouais. Deuxième heure de l'émission estivale en pièces détachées qu'on appelle Assemblage requis. Stéphanie Gagné est toujours là. Et Mathieu Plante est toujours là aussi. Et vous, les requins. Ah, hein? Oh, faut jamais les oublier, les requins. J'espère que vous êtes éparpillés, comme j'ai dit, hein, pendant la pause. Ce fut bref, mais bon. Est-ce que tu t'éparpilles des fois? Pas ces temps-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Bon, donc, dans la deuxième heure, plein de bonnes choses, dont, évidemment, la question et ton plat favori. Mais pour l'instant, on commence avec Tegan and Sarah. Voici la pièce Sunday, parce que ça me tentait. J'ai répété le CD comme 3-4 fois en fin de semaine. En fait, c'était pas la fin de semaine, c'était mardi. Mais c'est ma fin de semaine, entre le vendredi et le mercredi. C'est ma fin de semaine. Il y en a qui ont la belle vie. Un jour, on va faire de quoi avec cette émission-là? Un jour! Ça fait tellement... J'avais même pas pensé à ça. Ça pourrait être notre chanson thème. Ça pourrait. Mais ça l'est pas. J'aurais rien contre ça. C'est du Tegan and Sarah. Ben, qu'un. Hein? Ça ferait bien mon bonheur. Some assembly required for you today. C'est un accent indien, ça, finalement. Maintenant, parlons de choses qui te touchent. Qui te touchent au fond de ton cœur. Touching you, bottom of your heart. C'est ton plat favori, your favorite dish. Je suis ton plat favori.

C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89.1. Vous écoutez Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Et aussi avec Stéphanie Gagné. Ça fait moins d'en phrases rajoutées à la fin, hein? Ouais. J'aurais pu laisser un trou dans la phrase. Genre, non. Non. Non. C'est pas plus grave. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie et Mathieu pour encore une heure et demie. On est à peu près au point de sauvegarde, je dirais, de l'émission. Moitié. Crochet. Petit drapeau. Dépendant du jeu auquel vous jouez. Là. Des fois, c'est un petit drapeau. Des fois, c'est juste un cercle avec de la lumière dedans. Là. Référence de jeu vidéo. Et on est rendu au moment de l'émission où on écoute, disons la dernière question, mais là, c'est spécial, c'est une nouvelle chronique. Une toute nouvelle chronique de... Vidons la dans la question. Souvenir de 1966. En Poulouin 1966, c'est l'année des bûchettes de Blédin où ce que ma soeur Yolande a s'est enfilée une coupe de tango de trop. Ah ouais, calme ton tango, Yolande, ah ouais! Calme ton tango, Yolande, ah ouais! Un tango, là, c'était de la O'Keefe mélangée avec de la grenadine. Ah! Hey, check your boy! Je vais plonger tout de pied! En sortant de la piscine, Yolande a s'est accrochée sur la table tournante, puis ça a fait jouer le long jeu à l'envers. Puis là, on a découvert un message subliminal sur Splish-Plash tout en prenant mon bain, toi. Les trois possibles poils. Attends un peu, y'a-tu vraiment dit « Laisse-toi pousser le poil » ? On aurait écouté pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il disait. « Laisse-toi pousser le poil » ! Et mon doudou, ça fait qu'une couple d'années plus tard, nous autres, on le savait, nous, c'est que ça venait, la mode des cheveux longs. Ça venait du message subliminal dans Splish-Plash tout en prenant mon bain. Et c'est ça pour moi, 1966. Chanter des chansons autour d'un feu de camp était une activité très populaire en 1966. Hey, la gang, on chante-tu une toune qui a été populaire cette année? Ça vous tente-tu de chanter la toune de The Mamas and the Papas? Oh oui, leur grand succès, These Boots Are Made for Walking! Ah oui, on chante ça, bonne idée! 3, 4! These boots are made for walking, and that's what they'll do. Je me suis fabriqué une machine à voyager dans le temps, mais assez cassée quand je t'ai rendu en 1966. Alors, je suis condamné à revivre constamment cette année-là. Constamment cette année-là. Constamment cette année-là. Le transport en commun en 66 se rendait pas encore jusque chez nous, à Tétroville. Station Frontenac, terminus. Le métro se rend pas encore plus loin. Ça a ses avantages de rester tout le temps à 66. Mais mot t'a dit que j'ai hâte que la pornographie évolue à un autre stade. 66. Année érotique. En 66. 66. En 66. 66! Le 13 février 1966. À Val d'Or en Abitibi. J'ai dans la tête un vieux banjo de 1966. Un vieux banjo qui se grattait le dos. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jacques Bertrand qui vous parle. Bienvenue à La Tête ailleurs, samedi 1er mai 1966. Bonne fête des travailleurs, chers amis, qui êtes peut-être en congé maintenant. Et merci. Question. C'était une toute nouvelle capsule de Vidon Ladon, la question sur 1966. Oui, une capsule avec un drôle thème et une drôle de commande par l'émission La Tête Ailleurs de Radio-Canada, diffusée le 19 juillet 2010. Et pour la première fois, à assemblage requis. Et pour la première fois, c'est fou aussi, par le fait même. Il se bout de ça, mais faut walker. Oh, wow. C'était écœurant. Génial, comme toujours. Allez voir vidéoalon.com pour en savoir plus sur ces deux guérons, hein, qu'on appelle Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Ah, vous êtes assemblage requis, émission estivale en pièces détachées, n'est-ce pas, Stéphanie? N'est-ce pas, Mathieu? N'est-ce pas, les requins? On va aller écouter un peu de Marie-Pierre Arthur. Et personne d'autre que juste nous. En tout cas, ouais. Marie-Pierre Arthur. Oui. On va aller écouter Déposer les armes. Ouais. Allons-y, Mathieu. Ben, OK. Play. Ah, OK. Tu veux que je parte la pièce, là? Oh, ben oui, ça va mieux parce que moi, je suis un peu loin. Viens, je te demande, viens appuyer sur le bouton parce que sinon, je ne la joue pas. Non, ça va être trop long. Je pourrais pas parler en même temps. J'aime ça, mon silence. Tu sais. Pas moi. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Ah. T'es plate, tu joues pas le jeu. Non. T'embarques pas dans mes plans. Non. Non. Je parlais de tomates, évidemment. Elle veut pas marcher dans mes plats de tomates. Elle a peur de les écraser. Ça mène nulle part, hein. Ailleurs, sans me retourner. Band of Skulls avec Fires. Assemblage requis. Avec Mathieu et Stéphanie. Ouh oui. Ouh oui. Ouh oui. C'est ça. C'est ça. Parle de ça. Parle de ça, que c'est ça de bon? Hey, je vais écouter du palmarès. On dirait que c'est comme un hasard, à chaque fois que je parle de faire jouer du palmarès, la chanson commence. C'est le destin. C'est la destinée, oui. Colin, que c'est beau. Cette semaine, comme toujours, on va écouter les nouvelles entrées, mais pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Cette semaine, on parle de 5 nouvelles entrées. On va en écouter, je crois, plusieurs. Au moins plusieurs. Commençons par la 20e position. On écoute Ariel avec Tout va bien. Ça sera suivi avec, par la 20e anglophone, c'est Born Ruffians, dont tu parlais tantôt. Oui, ils vont être au Festival d'été de Québec. Eh oui, on va écouter la pièce Oman et on va se chicaner pendant ce temps-là sur comment prononcer ça. Parce que je sais pas, c'est-tu Ruffians ou Ruffians? Aucune idée, non? Aucune idée, moi non plus. Chacun se fait son opinion. Prononcez-le comme vous voulez. Hein? Commençons par Ariel avec Tout va bien tout de suite. Sur C'est fou, 89 FM. J'ai pas besoin Solid Duval avec Peur pour mon cœur, sirène de l'album Saint-Noir, Saint-Blanc. C'est une nouvelle entrée en 18e place du palmarès francophone. Avant ça, on a entendu Born Ruffians ou Born Ruffians avec Oman. C'était une nouvelle entrée en 20e anglophone. Et au début du bloc, c'était Ariel avec Tout va très bien, qui est en 20e position francophone. Donc, une autre nouvelle entrée. Il nous reste deux autres nouvelles entrées. Mais on n'entendra pas Yann Perrault, malheureusement, avec la pièce La Playa de l'album Au soleil. Par contre, on va se quitter à l'instant avec la pièce Plein d'amour de Damien Robitaille, qui est en 17e francophone, pour terminer cette deuxième heure d'assemblage requis. Et tout à l'heure, dans la troisième heure, qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie? Qu'est-ce qui nous reste? Tu sais, hein? CNX! Ça te titille! Oui, j'ai hâte de donner ma réponse à CNX, parce que j'ai jamais fait ça. Ça va comme être un petit peu différent. D'habitude, tu fais ton plat favori, et là, j'ai comme ma réponse à ça. Oui. Là, ben, CNX, ben, tu vas avoir la réponse à ça. Exactement. C'est comme la réponse de la vie. Puis je pense qu'elle est plus longue que ma chronique ton plat favori. Ben, tu me titilles autant que je te titille. On va passer des rumeurs. Hein? Donc, on écoute Damien Robitaille, Plein d'amour, tout de suite. Et puis, on se retrouve pour la troisième heure d'assemblage requis. Restez là. I love you. Ensemble, on pourrait. pourrait s'amuser. Automne, hiver, printemps, été, forever. Pour toujours. Tu me dis que l'amour n'existe pas. Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Wow, wow, j'ai plein d'amour à donner. Plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner. Plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Bon, c'est la troisième heure d'Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie Gagné. Et Mathieu Plante. Et la surprise de la semaine, Simon Fitzbé qui est arrivé en studio. Hey, ça va bien? Hey, ben oui, toi? Oui. T'es rendu notre collègue de d'heure. Ouais, on est genre voisins. On est voisins de gauche-droite, là, comme... D'en même haut, pas en dessous. Vous êtes en dessous de moi le samedi. C'est vrai, quand t'as dit ça? Ouais, je marche pas trop fort. Non, ça va, c'est bien correct, je trouve. Des fois, ça... Non, c'est correct. C'est correct, bon, ça, ouais. Merci. On va essayer de pas faire de dégâts d'eau. Ouais, ça serait le best. Hein. Pour les gens qui comprennent pas, on est mercredi. Tout est mercredi. Mercredi de 15h à 18h. Nous, c'est jeudi. On s'appelle une fois semaine. Oui! Faut plugger tant qu'à t'avoir. Ben oui. Et puis les samedis, on est comme back-to-back. Hein? Un après l'autre. Un super samedi, comme on dit. Un super set, comme il dirait. Super set. À l'autre. C'est 6h. Moi, je sais, mais... Super 6. Super 6. Qu'est-ce qu'il y a avec 6? 6 sexy. 6 sexy. Ah ben oui. On est tous très, très jolis. Ben oui. Merci. Tous les trois. Oui. T'es bien habillé aujourd'hui, je trouve. Ben, merci beaucoup. Pas que t'es pas bien habillé d'habitude, là. Ben, c'est tout ce qui me restait, donc... c'est pratique. Tâche-la pas, par exemple, c'est un peu blanc, t'sais. Ouais, hein, c'est très blanc. Ça prend pas grand-chose. Exactement. C'est ça. On va écouter une pièce, puis on va se parler pendant. Transparence, c'est ça qui est important. Comme presque ta chemise, mais on... Ben, j'ai mis un chandail blanc en dessous, justement, pour pas montrer trop mon corps, c'est ça. T'es quand même un gars prude. Oui, et soucieux de l'image que je peux projeter sur lui. L'image de la station. Oui. Protège l'image de la station, c'est bon. Vous êtes ensemble, là, je vais. So hold your head, hold your tongue, but only say what you have to. An acid child, a side dream, a floating head in the silver screen. She loved her mom, but loved him twice. I wish I'd been a passenger. Having fun, flying my kite. Devil inside, won't control my life. Too much love, so little hate. The devil inside, won't control my fate. Oh, if only, if only. Oh, he wasn't so lonely. He'd have someone to play with instead of calling our name. The water of life, no man can lie. So here we are, here we flee. To be a victim, there's no need. Having fun, I never fight. The devil inside controls my life. Too much love, so little hate. The devil inside won't control my fate. Oh, if only, if only. Oh, he wasn't so lonely. He'd have someone to play with instead of forming a name. Vous êtes toujours à Assemblage requis avec Mathieu et Stéphanie, l'émission estivale en pièces détachées, l'émission de nos petits requins. Oh. Et on a entendu If Only de The Cooks, et avant on a entendu Mad Dogs and Englishmen de Late of the Pier. Oh oui. De l'album Fantasy Black Channel. Channel? Je commence à parler comme dans Twilight. Twilight? Fantasy Black Channel. Avec des pauses en chaque mot pour souligner que tu penses ce que tu dis. Oui. C'est pour ça que tu penses? Moi, je dis que c'est la raison. Moi, je dis que c'est pour prendre plus de temps. Non, ça peut pas. C'est pour être plus dramatique. Parce qu'il faut être très, oui, très mélodramatique. Oui. Pour être dans Twilight. Toilette, excuse. Toilette. Ouais. La mauvaise habitude, hein? De dire le vrai nom des choses. Comment, toi? Hein? Elle me fait des signes avec ses mains. YMCA? Non. Est-ce que c'est Mimi une toilette? Ça, je veux pas voir ça. Non. OK. Parlons de technologie, voici la chronique geek CNX. Quel sera le thème d'aujourd'hui? Go-Go Gadget. Gadget. Eh oui, dans la chronique CNX cette semaine, on parle de gadgets, donc des choses utiles ou inutiles qui sont électroniques, qui ont un lien avec les gadgets geeks, quoi. C'est un peu ça. Et je sais pourquoi expliquer une chronique qui a un nom aussi explicatif. Une folding shower, donc une douche pliable, qui est un concept par une compagnie française Souplot ou Souplot. J'imagine, qui cherche présentement un manufacturier et un distributeur. Donc, ils ont commencé par juste faire le design. C'est un design unique qui est supposé permettre aux gens qui vivent dans de petits appartements d'installer une douche qui ne prend pas autant de place dans leur tout petit appartement. Non. Évidemment, je sais pas, c'est un petit appartement. D'habitude, il y a déjà une douche petite. Hein? Fait que c'est déjà, tu sais, à un moment donné. Puis en plus, tu sais, il faut que tu payes pour l'installer cette douche-là, là, qui est une douche pliable. Donc, tu sais, littéralement le dessous avec le tuyau. Ben, pas le tuyau, mais en tout cas le truc, le trou se replie, et puis le truc en haut de métal aussi, c'est qui tient les rideaux, donc tout se replie, mais il faut quand même passer la tuyauterie. Mais la plupart des appartements ont déjà une douche. Ouais, mais c'est que tu pourrais enlever ta douche et installer celle-là, et puis elle est pliable, donc ça prend encore moins de place. Ça coûterait un petit peu cher. Ouais, j'imagine. Sinon, peut-être dans une grande maison, tu sais, avec les enfants qui se battent pour la salle de bain, peut-être que tu pourrais faire installer une douche dans chacune de leurs chambres. Ouais. Je sais pas. Pas sûr non plus. Bref, ce design-là, on ne sait pas encore combien ça va coûter. Prochain merveilleux gadget, c'est une boîte aux lettres USB. Hein, donc, une petite bebelle de plastique que tu branches dans ta prise USB de ton ordinateur. Et puis, ça flash rouge ou vert. Un petit peu redondant si tu penses à des logiciels. Il y en existe des tonnes. J'en mentionnerai même pas par nom, tellement qu'il y en a. Jimmy Notifier, entre autres, que j'utilise. Donc, bref, qui apparaît d'habitude dans le coin de ton écran pour te dire combien t'as de messages dans ton compte courriel. Cette petite boîte aux lettres-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte les nouveaux messages sur Facebook, sur Twitter, sur Yahoo Mail, Gmail, Windows Live Mail et tout ça. Et il va donc clignoter. Non, c'est un code de couleur entre rouge et vert qui va indiquer visuellement le nombre de messages. Je sais pas à partir de combien ça devient l'autre couleur, mais bon. Ça coûte 18$ sur usb.brando.com pour ce petit gadget. Si vous avez un portable, gros gaspillage de prise. Peut-être que si vous avez une rallonge sur votre gros ordinateur, peut-être que ça pourrait être joli sur votre bureau. Je sais pas. 18$, c'est cher payé pour ça, je trouve. Si vous avez des affaires électriques à brancher, vous avez sûrement une power bar. C'est une power bar avec plusieurs prises, tu sais. Yeah. Un multiplicateur de prises, je sais pas trop quoi. Mais l'eau et l'électricité, ça va pas ensemble. Donc, si vous êtes dans le sous-sol, si votre bureau est dans le sous-sol, vous avez des appareils branchés dessus et ça arrive des fois que peut-être qu'il y a de l'eau dans votre sous-sol. Ça peut arriver à certains endroits. Hein? Fuite. Une fuite. Qu'est-ce qui se passe avec les gadgets électroniques? Ils pètent à cause de l'électricité qui touche à l'eau, non? Oui. Et si tu mets toi-même ton pied dans l'eau, que l'électricité, tu pourrais mourir. Donc, ce gadget-là pourrait vous sauver la vie. Hein? C'est super. C'est une petite donc power bar qui est faite pour minimiser l'électricité qui est distribuée aussitôt qu'il y a un contact avec l'eau. Donc, tu as beaucoup moins de chances de te faire électrocuter. Ça coûte seulement 35$. Donc, si vous avez de l'eau dans votre sous-sol une fois de temps en temps, ça pourrait fonctionner. On le voit même dans la photo ici. Il y a de l'eau littéralement qui est en train d'être versée sur une power bar. Et il y a une petite ampoule de genre de veilleuse. Et elle fonctionne quand même. Donc, ça envoie quand même du courant, mais ça minimise le tout. Et apparemment que c'est plus sécuritaire. On voit même le gars en train de brancher et débrancher le gadget dans la power bar. Ça a l'air sécure. Je serais stressé à ta place du gars. Ouais. Mais s'il y a une garantie, si la vidéo le montre, je sais pas. Faut faire confiance des fois. Hein? Ouais. J'imagine qu'ils vont se faire poursuivre si ça marche pas. Ah, c'est clair. De toute façon. Fait que je pense qu'on peut faire confiance s'il n'y a pas encore eu de poursuite contre ça. Ça, j'adore ça. C'est le Deskbook Pro. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. À vous de juger si vous trouvez ça intéressant. Et si vous êtes capable de payer ce prix-là, là, je vais me retirer là-dessus. Bref, allons-y. Donc, c'est si vous avez déménagé d'un desktop, un ordinateur de bureau, à un laptop, un ordinateur portable, vous avez dû, comme moi, abandonner bien des choses et des nécessités comme plein de prises USB, hein, plein de prises pour d'autres appareils. Vous êtes obligé de vivre avec ce qu'il y a sur votre portable, c'est-à-dire pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. T'es d'accord avec moi, il n'y a pas grand-prise sur la plupart des laptops. C'est vrai. C'est vrai. Donc, le Deskbook Pro est un dock de la compagnie Zemno. Un dock, c'est quoi? C'est un appareil sur lequel tu mets ton portable. Donc, c'est un appareil et tu mets ton portable dessus, donc ça double l'épaisseur. Donc, ce que ça fait, ça te donne 7 ports USB, 3 ports FireWire 800, 1 port FireWire 400, une sortie DVI, une connexion ISATA pour un disque dur externe, là, petite prise ISATA. Il y a l'audio in, l'audio out, stéréo. Il y a même un lecteur de carte mémoire. Donc, si vous avez, par exemple, un Mac, parce que dans le fond, l'idée, c'est surtout pour les Macs. Parce que si vous avez un Toshiba, un HP, souvent, ils t'en donnent plusieurs prises. T'en as quand même pas mal. Mettons 4 prises USB, t'as souvent une carte mémoire. T'as souvent la plupart de ces affaires-là pour beaucoup moins cher. Mais quand tu veux un Mac, s'il y a des raisons pour avoir un Mac, on commencera pas à parler de ces raisons-là. Il y en a des tonnes. Mais ils viennent avec juste 2 ports USB puis pas grand-chose d'autre. Bref, c'est fait pour avoir le look d'un MacBook. Donc, c'est fait en genre d'aluminium. Ça a la même largeur, la même... Tu sais, c'est beau, c'est cute, c'est le fun, mais c'est super cher. Parce que je pense qu'ils peuvent se permettre de le vendre aussi cher que ça. C'est combien? 600$. Hein? Je sais. Et ça mentionne pas, le 600$ n'inclut pas le 180$ pour de plus, là, pour un disque dur mode B. Parce que dans le dock, t'as de la place pour mettre un disque dur additionnel. Ça, c'est vraiment cool. Donc, pour 180$, ça rajoute un disque dur de 500 Go. Et puis, 150$ pour un module de batterie. Donc, tu peux avoir une batterie. Parce que dans le fond, ce dock-là se branche dans le mur d'habitude. Et il y a plusieurs fils qui vont aller, par exemple, un pour avoir l'USB ou pour le FireWire. Donc, tu dois comme remultiplier les prises en branchant plein d'affaires. Mais tu peux aussi avoir une batterie pour ça. Donc, tu vas pouvoir transporter ton laptop et le dock en même temps de pièce en pièce. C'est vraiment beaucoup trop cher. Ouais. Il y en a qui sont riches. Mais ça m'amène à parler rapidement du sujet. Il y a tout plein de gens qui demandaient sur le forum, mais voyons donc, comment ça se fait que le gars, il avait un laptop, avec un genre de support pour le monter, pour qu'il arrive au bon niveau des yeux. T'sais. Puis là, il y avait un clavier externe, puis une souris externe, puis il branchait ça dans un écran externe, au pire, mettons, des fois. Là, le monde demandait, mais pourquoi tu t'achètes pas un ordinateur normal? Ben justement, parce que t'as juste un ordinateur avec toutes tes données dessus, donc tu peux te transporter de pièce en pièce et tu peux l'amener à la job en enlevant ton clavier puis ta souris. Donc, je trouve que c'est pratique. Moi, à la maison, c'est ce que je fais, clavier, souris et portable. T'as le meilleur des deux mondes, tu te défais pas le dos en tapant d'un haut d'un air à cause que t'as un support pour lever l'ordinateur à la hauteur de tes yeux. Hein? Bon, c'est ça qui est ça. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça, c'est vraiment génial. C'est le Retro N3 qui ramasse vos jeux de NES, Super NES et Sega Genesis en une seule console. Et là, c'est pas une console illégale avec des ce qu'on appelle des ROM dans le domaine de la piraterie. C'est les ROM, c'est quand t'as une copie du jeu et que tu peux, sur un ordinateur, par exemple, installer un émulateur et faire jouer plusieurs jeux illégalement que t'as téléchargé. Ça, c'est un émulateur et un ROM. Dans ce cas-ci, c'est une console qui joue littéralement vos cassettes de NES, Super NES et Genesis. Donc, vous avez une console qui peut être soit rouge ou noire. Ça vient avec une télécommande sans fil, donc vraiment très, très cool. Avec assez de boutons pour faire toutes les consoles. Et là, tu as trois fentes dans la console. Tu mets ta cassette de Super NES, de NES ou de Sega Genesis. Et tu as en plus deux ports manettes avec fil pour chacune des consoles. Donc, si vous avez vos vieilles manettes de Super Nintendo, clac, clac, deux manettes. Et puis ça fonctionne, c'est génial. Donc dans le fond c'est ça, c'est pas un émulateur, c'est vraiment une vraie console. Ils ont pris tout le contenu des consoles que j'ai nommées comme plusieurs fois et ils les ont mis dans la même boîte. Il y a aussi des fils composites et des fils S-Video en rouge ou en noir pour 70$. C'est vraiment pas cher, donc si vous avez des vieilles cassettes à la place de faire les choses illégales, il y en a qui sont même ça. Je vous juge pas. Creighton Berman a un super kit qui s'appelle le Do-It-Yourself Extension Cord Lamp Kit. Ça vient de Maker's Market. C'est un kit qui vient nu. Et là, tu dois prendre une extension, par exemple une extension orange, et l'embobiner autour de ce kit-là. Et ça donne une lampe que tu branches ensuite dans le mur. C'est une lampe en extension, mais c'est juste le kit. Tu fournis ta propre extension comme... C'est n'importe quoi. Je trouve ça vraiment cool. Une machine qui montre aux hommes comment c'est d'être menstrué. Hein? Ben oui. Comment ça marche? C'est un gadget qu'on a montré à la Royal College of Arts. Royal College of Arts Summer Grad Show. C'est la menstruation machine qui s'attache à la taille et qui fait couler du sang à partir d'un réservoir. On sait pas si c'est du vrai sang, sûrement pas. Mais à travers un réservoir, donc ça va montrer aux hommes commencer de saigner tout le temps et de devoir... Et le réservoir est placé où? À quelque part autour de la taille, je sais pas. J'ai vu juste une photo à date. Il y en a sûrement d'autres dans l'article plus loin un peu. Peut-être même il y a même un vidéo. Est-ce qu'il y a une vidéo? Ben oui. Wow. Belle affaire. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Étonnant, j'avais vu juste la vidéo du... En tout cas, bref. Allez voir ça. Le temps file. Je vais vous laisser des liens sur assemblagerequis.com. Une machine, un concept qui a été fait par quelqu'un, on s'imagine, pour attacher les souliers automatiquement. Donc, ça a l'air un petit peu trop gros pour être utilisé en temps normal, mais quand même, d'ici à 2000 quelque chose, 2015, sûrement que ça va être dans tous les souliers de toutes les marques. Donc, c'est un utilisateur de Instructable qui montre comment faire ça soi-même à la maison. Tu entres dans le soulier, il y a un sensor qui lit la pression de ton pied et qui active deux moteurs qui appliquent de la tension au lacet, ce qui serre les lacets du soulier. Et puis, tu as un bouton pour renverser les deux moteurs pour détacher tes souliers. C'est cool. Allez voir ça. Et allez voir les autres affaires comme un genre de faux iPod qui permet de fermer des télés. C'est le TV Be Gone. Tu te rappelles le TV Be Gone? Peut-être c'est un porte-clés que tu pouvais fermer des télés à distance. Là, c'est le modèle Pro. Qui ressemble à un iPod et tu peux fermer plusieurs télés en même temps. Donc, ça s'achète sur Internet, $50. Le lien est sur assemblagerequis.com. Voilà, je pense que ça va être ça. Est-ce qu'il y en a un que je veux absolument faire là-dedans? Pas vraiment. Non. D'accord. Voilà, pour la chronique CNX, Google Gadget. Plein de choses à acheter, plein de choses à dépenser. Hey, j'ai mis le lien aussi sur assemblagerequis.com vers la nouvelle bande-annonce pour le film de Social Network dont je t'ai parlé il y a quelques semaines de ça. Le film basé sur l'histoire de Facebook. Donc, nouvelle bande-annonce de sortie. Ça parle d'un punk, d'un génie, d'un traître. Et aussi d'un milliardaire. Mais ça, c'est accessoire. T'sais. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que j'ai été sur IMDB et j'ai pas vu beaucoup d'informations. Je pensais qu'il allait avoir un summary, mais non, finalement. Il y avait rien. Ouais. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est basé sur un livre, donc peut-être que tu pourrais te renseigner puis lire le livre. Ouh. Et je pourrais faire la même chose. Ouais. pour une fois dans la vie, lire un livre, ça pourrait faire changement. Hein? Et moi, j'ai une réponse à ton CNX. Ah. C'est un site web que j'ai découvert cette semaine. Ça s'appelle rockabybabymusic.com. Alors là-dessus, c'est vraiment intéressant. C'est comme c'est des chansons pour enfants, mais plutôt que de leur faire écouter, je sais pas, du Carmen Campagne ou des choses vraiment nulles, c'est du AC. Je vous nomme plusieurs groupes là: AC/DC, Aerosmith, Nirvana, Radiohead, Beatles, Bob Marley, Coldplay, The Cure, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, et j'en passe plusieurs. Mais plusieurs. Plusieurs. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a entre autres Pearl Jam et Weezer qui s'en viennent. Et on peut aussi voter sur le site qui est-ce qu'on veut qu'il soit changé en chanson pour enfants. Wow. Et là, on peut voter, puis ces temps-ci, soit Foo Fighters, Lynyrd Skynyrd, Rush, Beyoncé, ok, ça c'est bizarre, Beastie Boys ou Hall & Oates. Et on peut lire sur Wikipédia, je vais le lire en anglais, je vais traduire ensuite. « The Rockabye Baby series is designed for modern music-minded parents who want to share songs like Paranoid Android with their kids without scarring them for life. » Donc, c'est pour les parents qui aiment la musique, la bonne musique. Ben oui. Disons-le. Qui aiment la bonne musique et qui veulent faire entendre des chansons comme Paranoid Android de Radiohead à leurs enfants, mais sans les traumatiser à vie. Alors, c'est vraiment cute et on peut reconnaître les chansons. Et là, j'ai choisi une chanson que quand même beaucoup de monde connaissent. C'est Nirvana avec Smells Like Teen Spirit. Et on va aller écouter un petit extrait. On n'est pas pour écouter toute la chanson, mais on va écouter un petit extrait de la version Rockabye Baby de Nirvana. C'est cute. Wow! C'est vraiment mignon. C'est donc bien le fun. Puis en plus, ce qui est fun, c'est qu'ils font la discographie complète. Ils font un album, admettons, de Nirvana. OK. Ils font tout l'album au complet, comme ça. Puis là, la pochette de l'album, c'est comme la pochette de Nirvana, mais il la change un peu. Comme, je sais pas si tu sais la pochette de U2, je me rappelle plus du titre de l'album, mais c'est un petit garçon avec un chapeau d'armée. OK. Mais là, ils l'ont changé, puis c'est un ourson. Oh. Avec un chapeau. Wow. C'est vraiment mignon. C'est une très, très, très, très bonne idée, j'adore ça. Oui, c'est il n'y a pas de paroles, ça fait que de la musique. Cool. C'est que de la petite musique comme ça. Super. J'avoue c'est que la plupart des paroles, il aurait peut-être dû les modifier. Hein? C'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, Radiohead, Led Zeppelin, tout ça. C'est vraiment cute. C'est génial. Et vous pouvez aller sur le site, je répète, rockabybabymusic.com. Vous pouvez aller voir ça. Et il n'y a pas juste de la musique, il y a aussi des vêtements. On va acheter des vêtements pour bébé, tu sais, des... OK. Des onesies, là. Uh-huh. Avec les pochettes d'albums ou... Non, avec des petits dessins okay. cute, là. Ça fait full rock, bébé. C'est mignon. Wow. Rockabybaby.com. C'est rockabybabymusic.com. Et rockabye, R-O-C-K-A-B-Y-E. Baby Music. Merci, Stéphanie. C'est cool, hein? Très bon apport à la chronique CNX. Je l'aimais bien. Je trouvais ça vraiment cute. Faire quelque chose de cute, mais ça n'a pas vraiment marché, comme tu vois. Qu'est-ce que tu voulais faire de cute? Je voulais faire un beau petit fade de son comme ça, genre, tu sais, ça aurait été super cute. Puis là, ça, j'aurais fait comme ça de même. Puis après ça, j'aurais parti la pub. C'est Radio-Radio, dans les mots de Hiro Nakamura de la série Heroes, comme qui dit YATA! Vous écoutez, c'est fou. C'est pour moi. Hein? Écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Assemblage Ricky, l'émission estivale en pièces détachées avec Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. On vient d'entendre la pièce The Letter de The Veils, un groupe qu'on avait entendu plus tôt cet été. Je savais que t'allais en parler. Et que Mathieu avait pas mis la bonne pièce. Parce que... C'était pas parce que tu m'avais donné le mauvais chiffre ou... Non, ça arrive que jamais. Ça. Je pense que c'était ça, moi. Non, ça arrive pas ça. Ouais. On sait bien, t'es ouais. Parfaite. Je sais. Hey. Je me suis fait dire cette semaine que j'avais 6 défauts. OK, mais t'as pas eu la liste, hein? Oui, mes 6 tatouages. Ah, ben, j'approuve d'abord. C'était pas drôle. Mais ouais, mais gars, tu sais, chacun ses goûts. Hein? Hein? Hein? Hein? C'est ça qui est ça. Ben oui. Hey, ça me fait penser. Là, j'espère que la personne n'écoute pas, mais en même temps, ça décrit tellement de gens que c'est tellement flou. Mais j'étais dans un magasin grande surface quelconque cette semaine. La madame, elle avait un tatou de ses enfants dans le haut de son dos, tu sais, mais pas super, super réussi, tu sais. OK. Je me dis, bon, sûrement que ses enfants sont décédés, au moins. Mais en plus, ils ont un tatou de lettres d'eux autres sur le dos de leur mère. En tout cas. Sympathique. Sympathique d'en parler? Non, sûrement pas. Non, vraiment pas sympathique d'en parler. Je m'excuse. C'est pas grave. qui doivent te pardonner. J'imagine. Si t'écoutes. Cela étant dit, mettons nos mains ensemble. Mettons nos mains ensemble. Attends, on chantait pas en même tune, par exemple. Voici The New Pornographers et Your Hands Together. Je m'excuse encore pour les enfants mal tatoués. C'était peut-être un très beau tatou, j'étais de loin. Put your hands together for the silver bullet, make me. Put your hands together for the cause and cure we're waiting. Digging through and past the center of the earth gone straight. The scientist and vandal sitting either way. Put your hands together for the silver bullet, make me. Put the voice of the idol maker, rising definite and shaking. Take your gift for accident, for granted and skin tight. Pull the strings that lift this thing you pushed with all your might. That I'm seeing. toujours à Assemblage Requis. Tu m'as demandé le titre, je pensais que c'était pour le dire, mais non. Non, c'était pour l'écrire. Eh oui, Behind the Scenes d'Assemblage Requis. C'est aussi intéressant que juste Assemblage Requis. L'émission estivale en pièces détachées. C'est ça. Bref, tout ça pour dire que c'était OK Go avec Skyscrapers de l'album Of the Blue Color of the Sky. En passant, récemment, ils ont fait une super offre sur Internet où tu pouvais acheter l'album pour 1$ et il y avait des pièces bonus dessus. Je l'ai fait et je vais les recevoir bientôt. C'est cool, hein? Ah! J'ai hâte d'entendre ça. Mais oui! Parce que tu vas l'apporter. Ben qu'un. Puis on va l'en faire jouer. Bien sûr! Hein? C'est trop cool! What, what? Bon. What, what? What, what? C'est what? C'est what? C'est le temps de parler de choses qui existent, mais qui devraient peut-être pas. Donc, on les a. Le titre est pas mal mieux quand on dit autrement que ça. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Yeah. C'est comme notre moment infopub. Ici à Assemblage Requis. Donc, parlons de choses qui règlent des problèmes qui n'existent pas nécessairement. Quand là, tu me dis, oui, mais j'ai envie de manger quelque chose sur un bâton. Souvent, tu as besoin de manger quelque chose sur un bâton, un pogo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur un bâton? Pas grand-chose d'autre sur un bâton. Hein? Un suçon. Monsieur Free. Non, ça marche pas. Un Monsieur Free sur un popsicle. Bâton. Popsicle. Oui, popsicle. C'était d'accord. Popsicle, je voulais dire. Mais là, tu as envie de manger des gaufres aussi. Hein? Sur un bâton. Sur un bâton, des gaufres sur bâton, ça existe, oui. C'est le Wafsicle Maker de Triangular Concept qui te donne des gaufres de 9 pouces de long sur bâton. Imagine les possibilités. Peut-être du bacon dans la pâte, ce sera encore meilleur. Mm-hmm. On ne sait pas encore quand est-ce que le produit va être disponible ou où est-ce qu'il va être vendu. Mais il y a des photos déjà de disponibles. Donc, tu peux en faire quoi? Un bon 4 genres de pogo gaufres. Ou pogaufres. Pogaufres, ça devrait être le nom en français, pogaufres. Mais il n'y a pas de saucisse, par exemple. Je me demande ce que ça veut dire, pogo, d'ailleurs. Hein? Hein? D'abord, moi, c'est juste un petit mot facile à dire. Mm-hmm. Attachant. Ah! So cute! Tu aimes nager? Est-ce que tu aimes nager? Oui, je me suis baignée 2 fois hier, effectivement, qu'il faisait chaud, mais l'eau était à 84. Car... Tellement peu rafraîchissant. L'été est à moitié terminé, je ne me suis pas baignée 1 fois. Bref, nager, c'est bon pour l'exercice, mais si vous voulez éviter de faire de l'exercice et quand même vous nager... Quand même nager sans vous forcer trop. C'est des pool jets, c'est des genres de scooters de mer miniature. Donc, ça vous envoie avec une hélice vers votre destination. Par exemple, l'échelle pour sortir de la piscine. Genre. Donc, c'est super cute. Ça dit que c'est parfait pour vous aider à vous améliorer à nager. Je sais pas comment tu vas t'améliorer à nager, peut-être en bougeant les pattes, les pieds. Mais ça, moi, j'imagine quelqu'un sur une moto dans une baignoire. Ouais. Non, ça marche non. Pas. La pile de 7,2 volts dure 20 minutes sur une charge complète. Et la charge complète prend 4,5 heures. Donc, quand même, hein, tu vas devoir vraiment faire travailler très, très fort ton électricité. 600 RPM, une seule vitesse, lumière pour te dire que c'est en train de charger. Ça pèse 1,5 kg, donc tout à fait léger, hein. Très léger. Et c'est orange, donc ça ressemble aux petits flotteurs, flottules. C'est gros comment, ça? Moi, j'imagine tellement une moto dans ma tête, là, fait que ça marche pas. Ça a l'air comme assez... tu le prends par les côtés, par les poignées, donc j'imagine que ça doit être au moins la largeur presque de ton corps pour être confortable. C'est beau, hein? C'est pour les 5 ans et plus, ça coûte 129$. Ouch. Oui, 129$. Sound Blaster, prochain gadget inutile sûrement pour la plupart des gens. Il y en a qui vont peut-être vraiment vouloir ça. Ça se pourrait. Si vous jouez à World of Warcraft, la compagnie Creative, c'est ceux qui font les cartes de son Sound Blaster, ils font plein de produits comme ça. Ils ont inventé le Tap Chat, qui est une pédale pour le pied, qui est créée pour les joueurs de World of Warcraft. Donc, littéralement, tu peux mapper n'importe quel bouton ou n'importe quelle fonction de World of Warcraft. C'est comme World Wrestling Federation. C'est comme des syllabes. Bref, t'appuies sur la pédale et ça pourrait, par exemple, partir ton chat. Tu sais, si t'as les écouteurs avec le micro et que t'as le push to chat, là. Tu sais, des fois, ça, t'appuies sur une touche de ton clavier normalement, mais là, t'appuierais avec ton pied. Tu peux en acheter 2 si tu veux, peut-être, pour avoir différentes fonctions sur chacun de tes pieds. C'est comme du Rock Band, ça. Dans World of Warcraft, ça coûte 60$. Gros investissement. Non, c'est 30$. 60$ pour 2 pédales, c'était le calcul du site. Bref. C'est quand même pas si pire cool, pas si inutile que ça. Ça pourrait servir. Prochain gadget, c'est une montre par Tomoya. Karimada et Ryohel Yoshiyuki. C'est la montre Time of Day, qui est un accessoire parfait pour ceux qui se servent de leur montre juste pour le look et non pas pour vraiment regarder l'heure, parce que ça ne dit pas littéralement l'heure. Assez étrange pour une montre. Bref, ça te montre sur l'écran de l'appareil. Là, j'appellerais même pas ça une montre, là, c'est plus un bracelet. Quasiment. Bref, sur l'écran, ça te montre de quoi aurait l'air le ciel pendant une période de 24 heures s'il n'y avait aucun nuage. Donc le ciel va de plus en plus pâle jusqu'à de plus en plus foncé la nuit. Si t'appuies sur un bouton sur le côté de l'appareil, ça te montre une lune ou un soleil, donc pour t'aider, pour te donner un indice de plus par rapport à quelle heure qu'il est. Je sais pas. Ah, aussi, ça dit que ça te donne un petit niveau philosophique avec tout ça. C'est que ça te sert de rappel de regarder le ciel. Genre, c'est comme pour te dire, ah, regarde la nature, regarde le ciel. C'est fun, hein? Bof, c'est ce que je me dis aussi. Je ne demandais pas la question à toi, je demandais aux requins masculins s'ils ont déjà voulu se raser dans la douche. Ça arrive que tu te rases dans la douche, ça sauve du temps. Ça sauve de l'eau peut-être, pas tant que ça. Ça sauve pas vraiment d'eau en fait, je pense pas. Bref, c'est une belle petite solution low-tech à un problème qui vous empêche de vous raser dans la douche. Il y a des miroirs qui existent qui sont anti-buée. Et bien celui-là va encore plus loin, c'est le Reflect Showerhead, donc la tête de douche. Pomme de douche Reflect, qui est elle-même un miroir, mais qui en plus a de la chaleur qui vient de l'intérieur à cause de l'eau chaude. Donc l'eau chaude qui passe dedans crée de la chaleur, ce qui fait par un processus quelconque qu'il n'y aura pas de goutte d'eau il n'y aura pas de condensation sur le miroir. Donc vous allez pouvoir vous raser sans aucun problème, c'est merveilleux. Ça va être disponible à la moitié du mois de juillet, mi-juillet, pour 300$. 300$ pour une pomme de douche. Et il n'y a pas de radio à l'intérieur. Donc, tu sais, au moins, s'il y avait eu une radio, ça aurait été comme pas pire de payer 300$. Non, du tout. Microsoft a un nouveau produit qui s'appelle le Install Load. Et j'aime vraiment cette idée-là, en fait. C'est quand même pas si pire. Donc, souvent, t'achètes un gadget et tu dois comme te plisser les yeux pour réussir à trouver de quel côté mettre les batteries. Hein? Tu sais, genre, est-ce que tu mets le côté plat ou est-ce que tu mets le côté qui a une petite bobosse? Là, faut que tu regardes le dessin ou faut que tu regardes s'il n'y aurait pas un petit spring parce que le spring veut dire que c'est le côté plat, etc., etc. Tu sais, là? Mais il y a des gens qui ont peut-être un handicap visuel ou peut-être que, tu sais, qui ont de la misère et qui peuvent pas savoir comment mettre les piles du bon côté. Donc, Microsoft est une compagnie. Ah oui! Connais-tu? Donc, c'est un système qui te permet d'en faire des batteries spéciales, une nouvelle technologie. Je sais-tu, une nouvelle technologie appliquée à des batteries de d'autres marques parce qu'ils parlent avec Duracell en ce moment puis d'autres compagnies. Donc, ça peut être n'importe quel... Attends un peu. Je vais relire comme fou. Ils ont développé une nouvelle technologie qui s'appelle InstaLoad qui va vous permettre d'insérer ces batteries-là, que ce soit des 3A, des C, des D, dans n'importe quelle direction. Hein? N'importe quelle direction. Donc, un jour, on va avoir cette technologie-là, InstaLoad. Je comprends pas si c'est vraiment la technologie qui va être dans des piles. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Okay. Bref, c'est ce que je pense. InstaLoad. Intriguant comme idée. Intriguant. Pas super détaillé, mais intriguant. Sniper Stand. T'as un nouveau... t'as un gadget. T'as un iPod. T'as un iPod? On dirait pas que c'est un nouveau iPod. Tu vas te le faire voler. C'est un nouveau iPod, oui. Le studio est situé sur... Hey, je veux pas me le refaire voler. Je sais. Ah, je te comprends dans les vols d'appareils électroniques. Donc, si vous ne voulez pas tenir votre iPod dans votre main, pour regarder un film, il y en a plein de supports, de stands, etc. Mais celui-là est particulièrement cool. C'est comme une genre de ventouse ou un truc collant de plastique que tu mets dans le dos de ton iPhone ou iPod classique ou peu importe lequel. Et ça fonctionne avec n'importe quelle carte de crédit. Donc, il y a une fente dans le petite ventouse. Genre. Tu mets n'importe quelle carte de crédit dedans et là, ça fait un stand pour ton iPhone. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est une maudite bonne idée. Donc, vous êtes sûr de l'avoir tout le temps avec vous parce que, un, vous avez toujours votre portefeuille avec votre carte de crédit et, deux, le truc colle à l'arrière de votre iPhone. Il est tellement mince que ça peut tout le temps rester sur votre iPhone. Pas besoin de l'enlever, ça. Cool, hein? Donc, 10$ et ça va être disponible dans environ 3 semaines, même un petit peu moins que ça, 2 semaines à peu près sur Internet. Donc, c'est le Sniper Stand et puis le site web et sniperstand.com. Donc, vraiment très pratique comme ça. Il nous reste, deux gadgets rapidement. Deux trucs. Deux petits trucs patentes à gosse avant de terminer cette chronique-là. Commençons avec un père gonflable. Oui, c'est une poupée d'un papa qui fait 5 pieds. Et vous pouvez donc gonfler votre père si jamais vous avez besoin d'une figure paternelle dans votre vie. Ou que vous avez des fantasmes pour des moustachus. C'est vraiment bizarre. C'est fun. Et le dernier, celui-là est utile, je l'avoue, j'en veux vraiment beaucoup. C'est, comment ça s'appelle le nom du produit exactement? C'est Magnetic Thinking Putty. En tout cas, c'est comme de la pâte à modeler un peu. C'est comme du silly putty. C'est le silly putty. Ouais. Mais avec des genres de morceaux de d'aimants, si on veut. C'est comme un million de petits aimants qui sont à l'intérieur de cette pâte à modeler-là. C'est comme un genre de gelée, si on veut. Donc, chaque pot de Magnetic Thinking Putty, effet d'aimant. Donc, tu peux prendre quelque chose qui est métallique et le mettre dedans et ça va l'aspirer comme vers l'intérieur. C'est dur à décrire dans la vidéo. Ça l'explique quand même bien visuellement, mais en le disant, c'est assez spécial. En tout cas, c'est cool. C'est vraiment cool. Allez voir la vidéo puis allez vous en acheter parce que moi, je veux en acheter. C'est sûr, je veux le faire maintenant. Je vais passer la commande live, tiens. Non, c'est pas vrai. Voilà pour le blog, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Plus de choses utiles qu'inutiles, je trouve, cette semaine, quand même. Quand même. Ça règle des problèmes qu'on se crée. Faut se créer des besoins dans la vie, Stéphanie. Hein? Oh oui. iPod classique. iPod classique 160 GB. Beaucoup trop de place pour vraiment pas de musique tant que ça. Dude. Combien j'ai de musique? 25 GB de musique présentement. Et t'as pris un? 160 GB. Mais mes 25 GB, sais-tu en combien de temps je les ai accumulés? Non. 2 ans. OK. 2 ans, 25 gigs de musique. Oui, mais t'as commencé ta collection il y a 2 ans, si je comprends bien. Donc, à un moment donné, t'as donné un coup au début. Ça ne montera pas de 20 gigs, de 25, en tout cas, peu importe, à chaque 2 ans. Là. Non, oui, mais ça monte quand même assez rapidement. Et je mets des films aussi, je mets beaucoup de films. Le monde dit que l'écran n'est pas assez gros sur l'iPod classique, mais moi, je trouve que c'est assez gros pour écouter un film. Mais t'aurais pas aimé mieux un iPod Touch, pour vrai? Non, pas assez de place. Oui, mais tu le changes à un moment donné, tu sais, tu le gardes juste 3-4 ans, c'est parce que ça devient désuet, ça, là, à un moment donné. Who cares? Ah, Colin. Toi, puis la nouveauté des gadgets, hein? Non, moi, classique. Moi, je suis genre à vendre chacun de mes gadgets et d'acheter un autre de la génération suivante, tu sais. Pas moi. C'est ce que je fais tout le temps. Bref, soyez là une autre fois, un moment donné, pour une chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Nous, ben, on va pas mal terminer l'émission là, je pense. Parce qu'il commence à être 17h57. Ouais, il commence à être ses 57. Ouais, c'est ça. On va se retrouver donc jeudi prochain à partir de 15h jusqu'à 18h pour notre édition d'Assemblage requis. On remercie Simon Fitzbé qui est passé en studio. On remercie Maxime Lemieux-Ramé qu'on n'a pas joué sa musique qu'il nous a suggéré, mais il était quand même là en studio. Ouais, il n'a pas parlé non plus, mais il était là. Sa présence est tellement importante que même quand il n'est pas là du tout, on le mentionne. C'est comme ça. Restez à l'écoute. Les samedis à 21h, ça va être le vestibule qui va s'en venir dans quelques heures parce que nous, le jeudi, ben, il n'y a rien après nous. C'est comme... ce serait la spirale normalement. Ça va être de la musique à la place. C'est bon pareil, donc restez là parce qu'à 19h, Sky Punka va commencer. Donc, c'est comme t'as un but dans la vie. Oui, monsieur. T'es pas d'accord? Moi, j'ai rien dit. Est-ce que tu veux dire au revoir aux requins? Est-ce que t'as quelque chose d'autre à leur dire? N'écoutez pas Mathieu. Merci. Écoutez-moi. Allez trouver les liens d'émission d'aujourd'hui et beaucoup plus sur assemblagerequis.com. Il y a la balade de diffusion aussi, donc si vous voulez réécouter l'émission, n'importe quand. Pas obligé. Mais là, si jamais il y a des gens qui veulent absolument réécouter cette marde-là. Hein, excuse-moi. Hein? À bail dans son micro. Non, à côté du micro. On va se quitter avec Metric. S'en pense. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. On va écouter un extrait de leur album Grow Up and Blow Away. Et on va aller écouter. Grow Up and Blow Away. Mais quel hasard, je veux dire, c'est comme s'il avait nommé l'album exprès pour cette pièce-là. Ah! Spécial, hein? Poppy. À la semaine prochaine. Bye. Faut que tu pèses play quand tu dis bye. Non, je savoure le moment. Chante la chanson, chante-la. Non, ça va aller. Ça commence avec un petit cri d'enfant, fais-le. Non. Ah, je suis sûr que t'es capable, gars, je vais la convaincre, je suis sûr. Grow up and blow away. C'est pareil, tu l'as eu. Mm-hmm. Mais... Bonne fête de semaine. Ciao. Ciao.